Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, ouvrons l'émission avec une ouverture. Bah, ça va de soi, hein, quasiment. Ouverture de Don Giovanni, l'un des principaux opéras de Mozart, avec la collaboration de Lorenzo da Ponte pour le livret, qui est d'ailleurs le librettiste. Et c'est vraiment bon, un chef-d'œuvre absolu. C'est une poncif que de dire que Don Giovanni est un chef-d'œuvre, mais faut quand même le dire, et c'est un compromis entre l'opéra bouffe et le drame sérieux. Et d'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est que cet opéra, qui est quand même un opéra assez noir, est sous-titré, Drama Giocoso, drame joyeux, et la partition s'inspire évidemment du mythe éternel de Don Juan. Voici l'ouverture qui place tout de suite l'auditeur dans le contexte de l'ouvrage. On va l'écouter interprété par la Staatskapelle de Berlin, que dirige Otmar Suitner. Thank you. Et voilà, le rideau peut s'ouvrir, l'ouverture de Don Giovanni de Mozart avec la Staatskapelle de Berlin, direction Otmar Suitner. J'avais terminé l'émission d'hier samedi avec Don Juan de Richard Strauss, et voilà, c'est la continuité en quelque sorte, mais dans le changement quand même, comme disait l'autre. Allez, on continue avec un disque qui vient de paraître chez Fuga Libera, disque qui a pour thème la nature, et on y trouve des œuvres d'Eugène Isaïe, Lily Boulanger, Edvard Grieg, Camille Pépin, compositrice... bien d'aujourd'hui, né en 1990, et ce disque nous propose donc des pièces pour violon et piano, jouées par Sylvia Huang et Boris Kuznetsov. Vraiment un très très joli disque, avec beaucoup de belles découvertes, notamment le chant d'hiver de Jeanne Isaïe, mais aussi Journée de printemps au matin de Gabriel Dupont, compositeur né en 1878, mort en 1914, et qui avait été l'élève au conservatoire de Paris de Massenet, entre autres, et qui a toujours eu un langage un peu impressionniste, un peu mélancolique aussi. Hein. Et c'est une œuvre magnifique, cette évocation du printemps par Gabriel Dupont, qui était quelque part un impressionniste musical, j'aime pas trop ce mot-là, mais dans son cas c'est quand même vrai, et qui a mis aussi en musique les poèmes de Le Comte de Lille, de Rimbaud, et d'autres grands poètes. Voici cette journée de printemps au matin pour violon et piano de Gabriel Dupont, joué par Sylvia Huang et Boris Kuznetsov. Thank you. magnifique pièce, hein, complètement méconnue, je trouve, de Gabriel Dupont, Journée de printemps au matin. C'était joué au violon par Sylvia Huang et au piano par Boris Kuznetsov. C'est un disque Fuga Libera qui vient de paraître et que je vous recommande sur le thème de la nature. Un peu d'opéra maintenant, avec un opéra aussi célèbre que Don Giovanni, c'est Tosca de Puccini, opéra en trois actes de 1900. Et le drame de Tosca, c'est celui d'un huis clos oppressant, terriblement efficace par son action intense et resserrée. L'action se situe au XIXe siècle à Rome, et puis c'est l'histoire de Tosca qui vit une passion amoureuse avec Mario, et puis il y a le terrible Scarpia qui veut mettre un terme à cette passion parce qu'il est amoureux de Tosca, et il se trouve que Tosca et Mario ont caché un fugitif. Alors évidemment, Scarpia va se servir de cette aide qu'ils ont apportée à ce fugitif pour essayer de piéger les amants et se débarrasser de Mario qui le gêne pour conquérir le cœur de Tosca éventuellement. Mais ça ne se passera pas comme il le veut, puisque même s'il va donner un sauf-conduit pour essayer de faire libérer Mario, il va donner ce sauf-conduit à Tosca qui s'est donné à lui pour avoir justement ce papier. Eh bien, Scarpia n'a pas du tout donné l'ordre de ne pas exécuter à balles blanc Mario. Scarpia va se retrouver poignardé par Tosca. Et puis à la fin, Mario est effectivement exécuté. Et il y a une page évidemment très célèbre dans cet opéra, qui en compte beaucoup d'ailleurs, des pages célèbres. C'est « Les étoiles brillaient dans le ciel ». On va l'écouter chanter par l'une des plus grandes voix du XXe siècle, Carlo Bergonzi, accompagné par l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, dirigé par Gian Andrea Gavazzeni. Discothèque classique, votre rendez-vous classique sur Fadjet les samedis et dimanches de 11h à midi. Et nous écoutions un air tiré bien sûr de Tosca de Puccini, chanté par Carlo Bergonzi. l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, dirigé par Gianandrea Gavazzeni. On continue avec un autre compositeur italien, mais du baroque, cette fois c'est Tommaso Albinoni, qui a composé de nombreuses pages instrumentales, beaucoup d'opéras qui ont été redécouverts il y a quelques décennies déjà maintenant, mais souvent enregistrés quand même, et qui est une figure importante de Venise, de la Venise musicale. Et donc Tommaso Albinoni, qui était le fils issu d'une famille très riche, des gens qui avaient fondé une entreprise de cartes à jouer. Évidemment, ça se vendait très très bien. Le père d'Albinoni aurait souhaité que le fils reprenne l'entreprise, mais ça s'est pas fait, parce qu'évidemment, Albinoni était surtout musicien, avant tout musicien, et sa fortune a fait qu'il n'a pas eu besoin d'être sous la protection d'un aristocrate. Il a vraiment fait ce qu'il voulait. D'ailleurs, on l'appelait le dilettante, tellement il était libre de ses choix. On va écouter un concerto d'Albinoni, concerto en ré majeur, avec la flûte à bec de Michala Petri, le recordeur, comme on dit, et puis l'ensemble I Solisti Veneti, dirigé par Claudio Scimone, l'adagio d'Albinoni, mais pas tout à fait celui qu'on connaît habituellement. Thank you. Un magnifique concerto pour flûte à bec, flûte flautino, on dit aussi, ou recordeur, joué à la flûte par Michala Petri, et l'orchestre, eh bien, c'était Stolisti Veneti, dirigé par son fondateur, Claudio Scimone, grand spécialiste de cette musique, hein, Claudio Scimone. Et une nouveauté maintenant, sous le label Ricercar, un disque consacré à Beethoven et à ses sonates, quelques sonates réunies pour ce disque enregistré par le pianofortiste Thomas Ritter, qui joue sur différents pianos d'ailleurs à l'occasion de cet enregistrement. On va l'écouter sur un piano Broadwood de 1812 et on va se rendre compte que vraiment les pianos de l'époque de Beethoven et bien sûr de ses prédécesseurs et même jusqu'à le milieu du 19e siècle à peu près, bah, sonnait très différemment bien sûr des pianos que l'on connaît aujourd'hui, des pianos modernes. Un disque fort bien fait, ma foi, qui nous propose la première sonate de Beethoven, composée alors que Beethoven était encore élève de Haydn, des rapports un peu difficiles entre maître et élève, parce que Haydn supportait assez difficilement le caractère difficile de Beethoven, et Haydn, qui était quelqu'un plutôt bonhomme, plutôt ouvert, jovial, bien évidemment, il se heurtait à ce bouillonnement perpétuel qu'était Beethoven, et on va écouter le final de cette première sonate jouée donc par Thomas Ritter, extrait de son enregistrement paru récemment chez Ricercar. Thank you. Évidemment, ça a toujours un petit peu l'effet machine à coudre. Hein. Les sonates pour pianoforte, jouées sur un pianoforte comme celui-là de 1812, on est très loin de ce que l'on connaît aujourd'hui avec les pianos. Bon, en tout cas, ça a toujours un aspect intéressant puisqu'on se rend compte de la façon dont les compositeurs entendaient leur musique. C'était le final de la première sonate de Beethoven jouée par Thomas Ritter, disque qui vient de paraître chez Ricercar. Et bien, ce sont aussi les pianos qu'a connu Schubert. Schubert, né en 1797, mort en 1828 à 31 ans, évidemment, des suites de la syphilis et d'une mauvaise hygiène de vie, probablement. Il était issu d'un milieu musicien, mais non professionnel, parce que son père ne voulait absolument pas qu'il devienne musicien. Son père était instituteur et il voulait qu'il devienne lui-même Schubert instituteur. Mais c'est quand même son père qui lui a prodigué les premières leçons de violon et de piano. Il était tellement doué, Schubert, qu'on l'a confié à Michael Holzer, maître de chapelle de la paroisse Lichtenthal. Et puis ensuite, il est parti travailler, se perfectionner auprès de Salieri. Eh oui. Et Schubert, évidemment, il a composé énormément en très peu de temps. Finalement, c'est incroyable. Il a toujours été un esprit libre, hein, incompris de son temps. Sa musique a très très peu été jouée de son vivant. Et elle paraissait difficile, longue souvent. On va écouter un peu de sa musique pour le drame de Madame de Chézy qui s'appelle Rosamund, un drame que l'on ne joue plus parce que le livret est complètement nul, mais reste la musique de scène de Schubert avec notamment le troisième entracte que nous allons écouter avec l'Orchestre symphonique de la radio de Cologne que dirige Günther Wand. Voilà, c'était un extrait donc de Rosamund de Franz Schubert, l'entracte numéro 3, interprété par l'Orchestre symphonique de la radio de Cologne, dirigé par Günther Wand. Et on continue avec une nouveauté, j'en ai déjà parlé dans l'émission d'hier, un disque publié par Alpha Classics et qui nous propose une messe de Haydn, Missa Selensis, et c'est dirigé par René Jacobs, admirablement, René Jacobs qui prépare l'intégrale des messes de Haydn sur quelques années, qui va les enregistrer sur quelques années, c'est vraiment un événement discographique important, et là encore une version absolument magnifique de cette messe de Selensis de Haydn, qui avait donné beaucoup de fil à retordre à Haydn. La preuve, c'est qu'une fois qu'il l'a terminée, et d'ailleurs elle existe sous différents noms, eh bien il n'a plus composé de messe pendant de nombreuses années. Et cet enregistrement est magnifique parce qu'il y a une prise de son absolument admirable, les micros savamment placés qui nous donnent vraiment beaucoup de relief pour l'enregistrement. Et je trouve que vraiment c'est un disque par qui compte parmi les récentes versions des enregistrements des messes de Haydn. Voici un extrait, la conclusion de cette Missa Selensis de Haydn avec le Zürcher Singakademie, l'orchestre de chambre de Bâle, tous dirigés par René Jacobs, et c'est une nouveauté du label Alpha Classics, et vous écoutez toujours Discothèque Classique sur Radio Fadjet jusqu'à midi. conclusion de la Missa Selensis de Haydn, Franz Joseph Haydn, avec l'orchestre de chambre de Bâle, et puis le chœur Sing de Zurich, dirigé par René Jacobs, magnifique nouveauté Alpha Classics. Alors tout à l'heure, on a écouté le piano forte de Thomas Ritter dans Beethoven, un piano de 1812. Ben voilà maintenant un piano tout à fait moderne, on va pas s'infliger du piano forte deux fois de suite quand même, mais c'est quand même un instrument intéressant. Piano moderne avec Mozart, sa sonate Köchel 310, jouée par Murray Pereira, l'un des grands pianistes de notre époque. Et cette sonate, elle date de l'époque où Mozart est à Paris avec sa mère, dans les années 1778. Sa mère va mourir à Paris d'ailleurs, ils étaient logés dans très mauvaises conditions. Mozart comptait sur ses contacts parisiens, notamment les frères Grimm, mais qui l'ont complètement laissé tomber. Bref, un séjour extrêmement pénible pour lui et il va perdre sa mère, qui d'ailleurs est enterrée à Paris. Voici le premier mouvement Allegro maestoso de cette sonate, qui est un peu sombre, hein. Ben évidemment, l'époque ne se prêtait pas à la joie, et c'est interprété par Murray Pereira. Thank you. magnifique sonate Köchel 310 de Mozart, interprétée par Murray Peraya. On écoutait le premier mouvement. Et comme hier, bon, on va terminer avec Richard Strauss, puisqu'hier je vous ai proposé le début de Don Juan de Strauss. Et bien voici pour aujourd'hui, pour ce dimanche, le début d'une vie de héros. Alors ça, c'est une œuvre qui date de 1897-98, créée en 99. Et c'est Richard Strauss qui se met en scène lui-même. Alors il y a la compagne du héros, il y a les adversaires du héros, les critiques évidemment, qui ont parfois la dent dure, et puis les batailles du héros, parce qu'il faut toujours s'imposer dans tous les milieux. Bref, une œuvre presque autobiographique. Et Richard Strauss, c'est vraiment l'un des cas les plus singuliers de l'histoire de la musique, puisqu'il a embrassé vraiment tous les genres musicaux. 15 opéras, 4 symphonies qui ne sont pas classées numéro 1, 2, 3, 4, mais qui sont quand même des symphonies, 8 poèmes symphoniques et plus 140 leaders. Et vraiment, il n'est jamais revenu vraiment sur son style. Il a trouvé son style tout de suite, qui n'a pas toujours plu, mais enfin, il a trouvé tout de suite sa voix musicale. Et il a écrit donc des poèmes symphoniques tout à fait remarquables, comme ceux que j'ai cités, Til l'Espiègle, Ainsi parlait Zarathoustra, et puis des opéras comme Salomé, Electra, des poèmes symphoniques qui datent de la période où il est encore jeune, parce qu'il a subi un échec assez cuisant avec son premier opéra, Guntram, qu'on avait trouvé trop wagnérien, et il s'était dit que bon, il allait peut-être un peu changer de voix. Il s'est orienté vers le poème symphonique avec bonheur, puisqu'il a composé des chefs-d'œuvre absolus, et notamment cette vie de héros, dont on va écouter un extrait tout de suite, avec l'orchestre de la NHK, c'est-à-dire la radio japonaise, radio-télévision japonaise, dirigée par l'excellent Paavo Järvi. Non, Néhémé, c'est son père, hein, pas confondre. Thank you. Début d'une vie de héros de Richard Strauss avec l'orchestre symphonique de la NHK dirigé par Paavo Järvi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc on se retrouve la semaine prochaine, samedi et dimanche de 11h à midi pour de nouvelles émissions de Discothèque Classique. Excellent dimanche à toutes et à tous, excellente semaine et à très très bientôt j'espère.